Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107FM. Nous sommes le jeudi 27 janvier 2022, c'est Chris, vous êtes dans votre émission Fréquence Libre. Et pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux Camille Chastan de la Lune en parachute ainsi que deux étudiants de l'ESAL, ou l'ESAL, l'École supérieure d'art de Lorraine d'Épinal, donc Mona et Jérôme qui sont là pour nous parler de la Lune en parachute, je viens de taper le micro, des projets ainsi que de la prochaine exposition qui va bientôt arriver du coup à la Lune en parachute. Donc bonjour à tous les trois. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va super. Ça va. Parfait. Donc nos auditrices et auditeurs sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en quelques mots à tour de rôle? Alors, donc, je me présente, Camille Chastan, je suis chargée d'accueil et de médiation à la Lune en parachute. Donc, la Lune en parachute, c'est une association qui organise des expositions dédiées à l'art contemporain. Mmh. Et du coup, moi, mon travail, c'est majoritairement d'accueillir le public, de réaliser tout ce qui est visite guidée, atelier pour enfants et gérer tous les événements destinés à l'accueil du public. D'accord. Du coup, moi, c'est Mona Ginet. Je suis élève à l'ESAL, du coup, donc les Beaux-Arts d'Épinal, en troisième année. Et notre formation, c'est en image génération. Et actuellement, on organise une exposition avec la Lune en parachute. Mmh. Et Jérôme Lutz, dans la même promo à l'ESAL que Mona Ginet, donc pour la même préparation de l'exposition. Et voilà, orienté vers les arts en général. D'accord. Donc, du coup, Mona et Jérôme, vous vous connaissiez déjà d'avant, du coup? Ça fait 3 ans qu'on est ensemble, du coup. Ok, bah voilà, d'accord. Et donc, bien que nous développerons du coup le sujet tout au long de cette heure d'émission, et bien que tu en aies déjà dit quelques mots, Camille, est-ce que tu peux présenter en quelques mots toujours ce qu'est la Lune en parachute? Ouais, tout à fait. Donc en fait, la Lune en parachute, comme je l'ai dit, c'est une association à but non lucratif qui est gérée à la fois par un bureau de bénévoles qui vont gérer toute l'organisation de l'exposition. Et donc... En fait, c'est une association qui a ouvert en 1991 et qui, depuis, a pour mission le soutien et la diffusion à la création artistique dans l'art contemporain. Mmh. Et donc, depuis 2010, on est basé à La Plomberie, qui est un bâtiment qui se trouve 46 rue Saint-Michel à Épinal. Mmh. Et on organise 4 à 5 expositions par an. D'accord. Donc, on va exposer à la fois des artistes en exposition solo ou des expositions groupées. Et alors, en plus, on a diverses autres actions, notamment l'Arbus, qui est un bus scolaire qui a été complètement vidé et transformé en espace d'exposition, mmh. et qui voyage sur tout le territoire vosgien tout au long de l'année scolaire dans les collèges du territoire pour amener l'art contemporain en milieu rural. Donc ça va être nos deux grosses actions en tant que structure destinée à l'art contemporain. D'accord. Et donc du coup, le nom La Lune en parachute, c'est un nom qui peut prêter à sourire. Donc pourquoi ce nom justement, La Lune en parachute? Alors c'est un nom qui a été choisi au moment de l'ouverture par Jean-Louis Antoine, qui est un des membres fondateurs de l'association, et qui vient de l'expression « L'art est une passion qui oblige à décrocher la Lune ». Et en fait, les membres du bureau sont tout simplement dit « Bah oui, mais si on décroche la Lune, il lui faut un parachute pour arriver sur Terre en douceur ». Et donc, c'est de là que vient le nom de l'association. D'accord. Donc, depuis le départ, c'est la Lune en parachute. Ouais. Du coup. Ok. Donc, cette émission va se dérouler en deux grandes parties. Donc, dans la première, on va parler de la Lune en parachute en général avec toi, Camille. Et puis, si vous voulez, Jérôme et Mona, vous pouvez intervenir, il n'y a aucun souci. Et dans la Lune en parachute, ces projets. Et dans la seconde, cette fois-ci, ça sera vous, Mona et Jérôme, qui vous nous parlerez de la prochaine exposition réalisée en partenariat, du coup, entre la Lune en parachute et du coup, l'ESAL de... ESAL, ESAL ? ESAL. ESAL. ESAL. D'Épinal, d'accord. Donc, est-ce que ça vous convient comme programme ? Parfait. Ok, super. Donc, du coup, comme Camille, tu l'as dit, la Lune en parachute, c'est une association à but non lucratif, donc association loi de 1901. Tout à fait. Voilà. Depuis combien de temps existe cette association? Du coup, l'association, elle existe depuis 1991. D'accord. Donc, on a fêté l'année dernière nos 30 ans. Et depuis le début, en fait, on a pour objectif de soutenir la création des arts contemporains. Et du coup, on organise des expositions. C'est vraiment... le but de l'association. Mmh. Donc du coup, comme tu l'as dit, 4 à 5 expos par an, c'est comme ça depuis 1991? Alors, moi, je ne suis pas là depuis 1991, oui. Forcément. Donc, je ne sais pas exactement comment a commencé à quel rythme on commençait les expositions, parce qu'en fait, on n'était pas dans le même lieu au début. On était dans un lieu ailleurs à Épinal, au Trésor. Et du coup, depuis qu'on a installé, en tout cas depuis 2010, depuis qu'on a installé à la Plomberie, on organise en effet 4 à 5 expositions par an. Alors ça varie aussi des... chaque année, puisqu'en fait, on a une spécificité, c'est qu'on n'est pas tout seul dans ce lieu. On partage le lieu avec 2 autres associations. Mmh. Donc peut-être on abordera plus tard l'histoire du lieu, mais du coup, on partage le lieu avec un collectif d'artistes qui s'appelle le 46 et une autre association, le Mur, qui est un mur devant la Plomberie destiné aux arts urbains. Et en fait... Une fois tous les 2 ans, ils organisent une biennale, donc une exposition dans le lieu. Donc le lieu leur est destiné et nous, à ce moment-là, on n'organise plus l'exposition. Donc le nombre d'expositions qu'on peut faire par an va un petit peu varier selon les années. Mais on reste quand même sur une moyenne de 4 à 5. D'accord. Et donc du coup, comme tu l'as dit, la Lune en parachute, ça a pour but de promouvoir l'art et la création en général. Mais qui est-ce qui peut intégrer cette association ? Alors, donc l'association, elle n'a pas été créée par des artistes. D'accord. Elle a été créée par des passionnés d'art qui voulaient organiser des expositions. Donc en fait, n'importe qui peut adhérer à cette association. On est toujours en recherche de bénévoles parce que du coup, on a besoin de soutien lors des montages d'expositions ou pour l'organisation des vernissages, donc qui sont des moments un peu festifs et spéciaux qui sont toujours la veille au soir de l'ouverture de l'exposition. On ouvre les portes et là, les artistes et tous les membres de l'association accueillent les visiteurs et c'est un moment privilégié où on est vraiment là pour expliquer les œuvres et pour faire un peu la fête. Et du coup, à ce moment-là, on a besoin de pas mal de monde aussi pour accueillir le public. Donc, on est toujours en recherche de bénévoles, qu'il suffit d'adhérer à l'association. Et puis, on peut aussi être adhérent à l'association. Donc, si on veut suivre des événements un peu spéciaux, des visites groupées destinées aux adhérents ou des actions qu'on est en train de développer, parce qu'en fait, l'association est encore en train de se développer de nouveau. Donc, il va y avoir aussi de nouvelles actions proposées aux adhérents. Et donc, on peut adhérer chaque année pour soutenir l'association et participer à tous les événements qui sont organisés. D'accord. Et donc, du coup, également, tu as parlé rapidement tout à l'heure de ce que vous appelez à la Lune en parachute un Arbus. Qu'est-ce que c'est un Arbus ? Alors, l'Arbus, c'est vraiment une opération qui est unique en France. Donc, on est les seuls à faire ça. Et c'est parti d'un constat de la Lune en parachute, qui est que, en fait, le public le moins présent dans les espaces d'exposition, ce sont les adolescents. Mmh. Et du coup, de là, soutenu initialement par le département et par Transdev, qui est une compagnie de bus, on a créé l'Arbus, donc qui est un bus qui a été complètement vidé des sièges et en fait, c'est transformé en espace d'exposition mobile. On organise une exposition par an dans laquelle on va mettre en valeur les artistes de notre région, parce que dans notre espace d'exposition, on essaye de faire venir des artistes qui ne sont pas connus sur le territoire, donc des artistes à la fois nationaux ou internationaux. Donc cette opération Arbus nous permet aussi de soutenir la création de notre territoire. Et du coup, on va organiser une exposition qui va de novembre à juin voyager chaque semaine dans des collèges différents pour amener la culture jusqu'à eux. D'accord. Voilà, donc c'est une opération qui existe depuis 15 ans maintenant et on a de nouveaux soutiens en plus de ces deux structures. On va avoir la direction régionale pour les affaires culturelles. On va avoir Moustache Bike, qui est un producteur de vélos électriques à Thaon-les-Vosges. Et puis, on va avoir également d'autres soutiens pour soutenir cette opération et nous permettre justement de pouvoir la faire vivre. Donc on a notamment le Crédit Mutuel Enseignant qui nous a également rejoint plus tard. D'accord. Et donc du coup, toi tu es là depuis quelques années du coup à la Lune en parachute. Qu'est-ce qui t'a donné envie à la base d'intégrer cette association ? Alors je suis pas là tout à fait depuis des années. En fait je suis arrivée il y a 2 mois. D'accord, ok. Donc je suis fraîchement arrivée dans cette association. Et donc moi, j'ai une formation aux Beaux-Arts de Metz. Mmh. Et en fait, je me suis rapidement destinée à la médiation culturelle, puisqu'en fait, le médiateur a pour mission d'amener des clés de compréhension aux visiteurs pour comprendre les expositions. D'accord. Et Après, ça, c'est mon avis personnel, mais l'art contemporain, ça peut faire peur. On peut avoir peur de passer les portes d'un espace d'exposition parce qu'on peut avoir peur de ne pas forcément comprendre, d'être loin de ces thématiques. Mais finalement, les artistes, ils parlent du monde actuel dans lequel on se trouve. Ils nous questionnent sur toutes les questions sociétales actuelles. Donc finalement, on peut être très proche des questionnements qui sont soulevés. Et donc le médiateur, il est justement là pour faire le lien et pour quelque part aussi rassurer et pour donner envie de revenir régulièrement. Donc en fait, depuis le début de mon cursus, je me suis dit, mince, mais j'ai envie de m'appliquer justement pour recréer du lien avec les visiteurs, les publics éloignés de la culture qui ont peur de pousser cette porte parce qu'on aura toujours des habitués, mais c'est justement essayer de développer les publics et c'est quelque chose qui m'a toujours touchée. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de devenir médiatrice. Et en fait, moi, à l'origine, je suis spinalienne. Et donc, j'ai eu cette envie de retourner sur mon territoire et justement de contribuer activement au développement de la culture et de l'art contemporain sur le territoire. Sur mon territoire natal. D'accord. Donc du coup, quand tu étais, j'allais dire quand tu étais plus jeune, mais du coup, tu es encore jeune, hein, voilà. Du coup, tu as toujours été attirée par tout ce qui est art, etc. Oui, bah en fait, depuis toute petite, j'ai voulu être artiste parce que je suis artiste à côté de mon métier de médiatrice culturelle. Ça a été une sorte d'évidence pour moi. J'avais envie de me destiner à l'art contemporain. Et en fait, donc j'ai poursuivi mon cursus scolaire. Je suis allée au lycée Claude Gelée à Épinal, qui a une option art plastique. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que le premier espace d'exposition que j'ai visité, c'est justement la Lune en parachute. Parce D'accord. que du coup, j'habitais pas loin. Et ça a été mes premières expériences. Et aussi avec l'Arbus, ça a été une de mes pro des premiers espaces d'exposition auxquels je me suis confrontée. Et en fait, j'ai toujours gardé un lien affectif avec cette structure et j'avais vraiment envie de prendre part dans le développement, de cette association. D'accord. Donc du coup, je vais me retourner vers Jérôme et Mona pour vous poser la même question. Donc du coup, comme annoncé en introduction, vous faites partie de l'ESAL, donc l'École supérieure d'art de Lorraine d'Épinal. Donc vous aussi, l'art, c'est quelque chose qui vous a toujours accompagné pendant toute votre vie pour l'instant? Bah oui, moi aussi, dès toute petite, j'ai commencé à dessiner, etc. J'ai rapidement su que je voulais faire de l'illustration. Et après, j'ai eu un parcours artistique un peu. Disons que les écoles d'illustration, c'est pas facile de rentrer dedans, on va dire. Et puis, les gens ne me parlaient pas beaucoup de l'ESAL, bizarrement. Mais c'est parce que je viens de Paris à la base et Paris, c'est D'accord. très. Enfin, il y a beaucoup d'écoles d'art là-bas et je pense que les gens sont un peu centrés sur Paris. Et du coup, j'ai découvert l'ESAL assez tard et en fait, l'ESAL, c'est vraiment la formation qu'il me fallait, quoi. C'est une formation imagénération, mais c'est très très varié. Imagénération, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut être de la vidéo, de la photo, de l'illustration, du graphisme, enfin vraiment vraiment beaucoup de choses, quoi. Donc ouais, depuis longtemps, moi aussi, je voulais faire de l'art. Et donc toi, Jérôme, je te vois acquiescer à ce que Mona est en train de dire. T'es du même avis que Mona et que Camille, du coup? Ouais, complètement. J'ai eu à peu près la même approche. Donc j'ai commencé par le dessin pendant longtemps, depuis très jeune. D'accord. Et au fur et à mesure de mon cursus scolaire, en fait, j'ai pas du tout vu les écoles d'art. Je connaissais pas les HAL 2 mois avant d'y rentrer. Et c'était vraiment l'école qui, comme l'a dit Mona, qui permet de s'ouvrir à un peu toutes les disciplines, de pouvoir toucher à tout et à la fois de nous mettre en relation avec des professionnels comme l'Association de la Lune en parachute. Donc au-delà d'être une bonne école très ouverte, c'est vraiment un premier tremplin vers l'univers artistique qui peut être très sublimé mais très complexe vu de l'extérieur. Et du coup, voilà, je suis ravi d'en faire partie de tout ce petit monde. D'accord. Et donc, du coup, c'est une école supérieure d'art, comme on dit. Mais du coup, avant cette école, est-ce que vous avez fait une filière générale, filière technologique? Moi, j'ai commencé par une seconde générale et on m'a parlé d'une section STD2A qui s'ouvrait, donc sciences et technologies en art appliqué, donc qui tourne beaucoup autour du design. Donc je ne me reconnaissais pas forcément là-dedans, mais ça m'a permis de m'ouvrir à de nouvelles pratiques. Après ça, j'ai fait un BTS de design graphique à Strasbourg, qui m'a ouvert sur le code, sur la réalisation de films, le montage, les D'accord. logiciels en général. Et après ce BTS, je voulais m'ouvrir à quelque chose de plus libre. Donc j'ai cherché les beaux-arts et on m'a parlé à ce moment-là de l'ESAL Épinal. Et ça a été le bon choix, apparemment. D'accord. Mona? Oui, moi, personne ne m'a parlé de STD2A. J'aurais bien aimé pouvoir faire cette formation aussi au lycée. Mais du coup, j'ai fait un bac littéraire général, enfin voilà, classique, parce que je ne voulais pas faire de maths. Après, du coup, moi, j'ai fait une MANA, parce qu'à l'époque, il y avait encore des mises à niveau en arts appliqués, donc à Olivier de Serres à Paris. Et en fait, je suis restée à Olivier de Serres à Paris. C'est pas faute d'avoir tenté les écoles d'illustration de Paris, mais j'avais pas été prise et du coup je suis restée à Olivier de Serres et en fait j'ai fait un diplôme des métiers d'art en fresque et mosaïque, donc en artisanat. Et du coup ça m'a un peu ouvert aussi à l'artisanat, donc à d'autres formes d'art que l'illustration, même si dans ma pratique personnelle, enfin, je suis vraiment axée raconter des histoires à travers des images, etc. Mais du coup j'ai un peu plaqué cette volonté de faire sur l'artisanat. Donc à travers la fresque et la mosaïque, je faisais un peu voilà quoi, de la narration et de l'image. Et ensuite, j'ai entendu parler de l'ESAL, dont le diplôme national d'art s'appelle Images et narration. Du coup, j'ai fait OK, bon, c'est bon, je pense que c'est là qu'il faut que j'aille. Et voilà. Ok, donc du coup pour tous les trois, l'art ça vous a vraiment suivi depuis toujours. Ok. Donc avant de poursuivre cette émission, je vous propose de nous lancer directement dans la première fréquence musicale que Camille m'a envoyée, mais je ne sais pas qui de vous trois l'a choisie. En fait, c'est toute la promo de notre classe qui a fait une sélection de trois musiques. Ok, d'accord, pas de souci. Donc on va commencer avec le groupe Feu Chatterton, avec leur morceau intitulé Cristaux liquides. Pour donner les quelques références, comme j'aime bien le faire, ce morceau est plutôt typé musique alternative indé, je dirais. C'est un morceau sorti l'année dernière, en 2021, et il est tiré de l'album Palais d'Argile du groupe, album sorti le vendredi 12 mars de l'année dernière. Il s'agit d'ailleurs du troisième album studio du groupe sur cinq créations, on va dire, vu que leurs deux premiers étaient des EP. Voilà, c'est un morceau assez doux et parfois ça fait du bien. Donc du coup, on écoute Feu Chatterton avec leur titre Cristaux liquides et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission d'ici un peu plus de 5 minutes. Donc à tout de suite sur Radio Gémozo. Sur la toile, ah ouais, j'appelle à l'aide, mais je ne sais ni qui ni pourquoi. Bikini turquoise, ni qui ni pourquoi. Bikini turquoise, où suis-je sur la toile, ah ouais. Google, quel est-il celui auquel on sacrifie? Certains disent qu'il eut un fils. Quant à moi, je n'y crois pas. Non, moi, je caresse ton visage sur mon écran tactile. Que reste-t-il du paysage? Dis-moi, que reste-t-il? Adieu, vieux monde adoré. Une image oubliée sur un bout de papier. Un coin si peu qui recoit. Crypto-chat, bikini turquoise. Où suis-je sur la toile? Ah ouais, j'appelle à l'aide, mais je ne sais ni qui ni pourquoi. Bikini turquoise, ni qui ni pourquoi. Bikini turquoise. Et vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre site internet ou sur notre application Orange Radio partout en France. Vous venez d'écouter Feu Chatterton avec leur morceau intitulé Cristaux Liquides. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Camille Chastan, oui de Camille, ainsi que de deux étudiants de l'ESAL, donc l'École supérieure d'art de Lorraine d'Épinal, Mona et Jérôme de la Lune en parachute du coup, qui sont là pour nous parler de la Lune en parachute, des projets ainsi que de la prochaine exposition sur lesquels ils travaillent en partenariat. Voilà, ça va toujours ? Ça va toujours, ça va nickel. Toujours. Parfait. Donc du coup, j'aime beaucoup poser cette question après une pause musicale, bien que ce soit un choix collectif. Pourquoi ce morceau en particulier ? Alors du coup, on avait choisi Cristaux Liquides en premier de Feu Chatterton parce que déjà, on est tous assez fans d'écriture et on aime bien les belles phrases poétiques et Feu Chatterton ont tendance à avoir des très beaux textes, donc déjà on est sensible à ce genre de musique. Et puis au-delà de ça, c'est aussi une musique qui fait un peu écho à l'exposition. Donc l'exposition s'appelle Entre-temps et c'est une exposition qui se situe après la période de Covid, avec les périodes de confinement, etc. Et dans la musique de Feu Chatterton, il parle un peu de ça, justement, de un peu cette coupure dans le temps qu'on a ressenti tous avec le Covid, et aussi un petit peu cette cassure sociale, en tout cas nous qu'on a ressenti en tant que jeunes. Il parle un peu beaucoup du fait qu'on soit tous derrière des écrans, etc., et qu'on n'ait plus vraiment de contacts sociaux. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi, ça représentait bien un petit peu l'univers dans lequel on a créé cette exposition aussi. D'accord. Et donc du coup, on en parlait justement pendant cette pause musicale, du coup les trois morceaux, enfin du coup encore les deux morceaux suivants, c'est pareil en rapport avec l'expo du coup. Ok. Et du coup, on va laisser un petit peu de suspense pour les auditrices et auditeurs. C'est, comme je le disais pendant la pause musicale, ce sont des morceaux que je ne connaissais pas, donc voilà. Donc comme nous l'avons dit un peu plus tôt dans cette émission du coup avec Camille, la Lune en parachute du coup c'est une association loi de 1901 à but non lucratif, donc comme dans toutes les associations, comme tu l'as dit, il y a des bénévoles. Donc combien de bénévoles à peu près, si tu as une idée? Alors, nos bénévoles fixes, on est 8. Enfin, ils sont 8 parce que moi, je suis salariée, je ne suis pas bénévole. Et du coup, il y a le bureau qui va vraiment gérer à la fois la programmation des expositions, toutes les questions administratives, l'organisation du montage d'exposition, tout ça. Ils sont 6 à être en permanence sur les lieux. On va avoir en plus 2 bénévoles très actifs qui vont là aussi contribuer à la programmation des expositions. Et puis après, on va avoir une équipe d'une quinzaine de bénévoles qui vient sur les montages ou au moment où on a besoin de monde pour nous soutenir. Donc voilà. Ok. Et donc, du coup, également, pour préparer tous ces événements que la Lune en parachute organise, du coup, l'association s'entoure non seulement du coup d'un ou d'une jeune en service civique, de petites mains, donc vraiment les bénévoles, enfin les petites mains, c'est ces bénévoles-là. Pardon, je suis désolée, j'ai pas compris la question. Donc, pour préparer du coup tous ces événements, l'association s'entoure du coup d'un ou d'une jeune en service civique. Alors oui, habituellement on le fait. Alors là, en fait, l'association, c'est un peu spécial. On est dans un développement. Donc pour le moment, je suis toute seule en tant que salariée. D'accord. Et là, on va avoir un deuxième salarié qui sera coordinateur vraiment de tout le lieu, parce que du coup, on a toujours eu un coordinateur, mais moi, j'ai été recrutée vraiment pour le développement des publics et de la médiation. Habituellement, on va prendre régulièrement des services civiques. Donc là, on est un peu en stand-by, le temps de restabiliser toute l'équipe. Et puis après, ça dépend en fait. On est en recherche. Le nombre de bénévoles, il fluctue en fonction des années, parce que du coup, le bénévolat, c'est vraiment un don de soi à l'association, un don de temps libre, d'énergie. Donc ça varie vraiment en fonction des années, des liens qu'on arrive à tisser avec des personnes motivées ou non. Et puis après, on est aussi entouré de partenaires qui nous soutiennent pour toute l'organisation des événements. D'accord. Et du coup, la devise de l'association, c'est, je cite, l'art est une passion qui oblige à décrocher la lune. Fin de citation. Donc, est-ce que du coup, à la lune en parachute, c'est vraiment comme ça que vous voyez que vous voyez l'art en général? On espère, oui, je pense. Je pense qu'on est tous motivés par cette envie vraiment de faire tout pour créer des belles expositions. On est plein de motivation, d'entrain. Et en fait, toute la création même de cette association, c'est on voue notre temps à soutenir les artistes et à diffuser leurs œuvres, à les montrer au public. C'est vraiment notre mission première. Donc on essaye de faire un maximum. Pour justement soutenir les artistes, c'est important. Parce que quand on est artiste, finalement, si on crée des œuvres, elles sont faites pour être vues. Des Bien œuvres sûr. n'existent pas tant qu'elles ne sont pas vues. Donc on essaye vraiment de créer des opportunités pour les artistes de montrer leur travail. C'est important. Et également, l'association, je crois savoir qu'elle invente et du coup qu'elle réalise des projets coup de cœur. Donc est-ce que justement ce côté coup de cœur, c'est une des choses les plus importantes pour la Lune en parachute? Je sais pas si c'est une des choses les plus importantes, notre mission la plus importante, enfin la chose qui pour nous est le plus important, c'est de soutenir les artistes. Après, c'est vrai qu'en fait, la spécificité de l'identité de notre lieu, à différence d'autres lieux, c'est qu'en fait, dans beaucoup de lieux, il y a un directeur artistique qui va choisir ses artistes, qui va faire une programmation, des fois avec un thème annuel ou non, ou une identité sur les artistes qu'il va choisir. Et en fait, la spécificité de notre association, c'est que le bureau de bénévoles a vraiment voulu garder cette responsabilité de développer la programmation des expositions. Donc, ils sont 6 et ils travaillent tout au long de l'année. Ils vont voir des expositions, ils rentrent en contact avec des artistes pour justement choisir la programmation. Et c'est comme ça qu'ils choisissent leurs artistes. Donc, c'est vraiment au coup de cœur, avec leurs envies, avec le travail, avec la personnalité des artistes, le lien qu'ils créent. Parce qu'en fait, notre association, elle essaye vraiment d'avoir aussi un lien humain avec les artistes qu'on invite. Donc, les artistes viennent toujours sur place pour monter leur exposition, pour échanger avec nous, qui nous permet aussi d'avoir de la matière pour faire la médiation et retranscrire un peu leur travail aux artistes à destination du public. Et donc, voilà, il y a ce lien qui doit se créer. Donc, ça va vraiment être au coup de cœur à la fois humain et sur le travail des artistes. D'accord. Et du coup, si jamais certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs sont intéressés à la Lune en parachute, vous pouvez du coup être simple regardeur, donc regarder les œuvres, bénévole, adhérent, partenaire ou encore mécène. Et du coup, chacun de ces statuts, j'imagine que c'est chaque statut est important du coup pour l'association. Tout à fait, bah, c'est en fait l'équilibre de tous ces statuts qui nous permet de vivre. Puisqu'on fonctionne avec des subventions publiques, mais on a besoin aussi de mécènes privés qui nous permet vraiment de développer les actions. Après, les adhérents, bah, ils nous soutiennent aussi, puisqu'ils payent une adhésion pour entrer dans l'association. Donc, ils nous soutiennent à la fois financièrement et on essaye de leur redonner avec la générosité des événements qui sont prévus, destinés pour eux. Et puis après, donc, il nous faut des regardeurs parce qu'encore une fois, les œuvres n'existent pas si elles ne sont pas vues les visiteurs. Donc, c'est vraiment tout cet écosystème de personnes qui vont contribuer à la vie de l'association, à la vie des expositions et au lieu en lui-même qui vont faire en fait que le lieu vit. Mmh. Donc, du coup, maintenant, je vous propose de faire un petit retour en arrière, un petit flashback. Donc, du coup, maintenant, le bâtiment, c'est la plomberie. Mais avant, c'était le bâtiment industriel qui abritait, il y a plus de 30 ans maintenant, la fontainerie municipale. C'était le service des eaux. Donc, est-ce que ce choix de lieu est un choix influencé par tout ça ou pas forcément? Alors, en fait, l'histoire de ce lieu, c'est que dans la dynamique de redynamisation du quartier Saint-Michel, la ville d'Épinal, qui est propriétaire de ce bâtiment, a décidé de rénover cette ancienne fontainerie municipale pour en faire un lieu destiné à l'art. Mmh. Parce qu'en fait, on est vraiment dans le quartier culturel d'Épinal, avec la médiathèque à côté, par exemple. Et donc, en fait, ils ont décidé de rénover ce bâtiment, comme vous l'avez dit, qui était les anciennes fontaineries municipales, et d'où le nom La Plomberie. C'est en effet en lien avec l'histoire du bâtiment. Mais en fait, ce bâtiment, il a été plus ou moins toujours occupé par l'art, puisqu'en fait, avant d'être un bâtiment rénové par la municipalité destiné à ces trois associations que je citais tout à l'heure, en fait, il était occupé par une association qui s'appelait Épinard, et qui était en fait, ils squattaient les lieux. Des artistes étaient là pour. Ils avaient créé leurs ateliers sur place et ils organisaient des événements et ils travaillaient tout au long de l'année dans ces espaces. Et du coup, il y a toujours eu cette volonté d'y insuffler l'art contemporain. Et du coup, quand la ville l'a rénové, ils ont décidé de le mettre à destination de ces trois associations qui étaient déjà présentes dans la ville. Donc nous, qui nous chargeons vraiment de l'espace d'exposition. Le 46, qui est ce collectif d'artistes qui ont leurs ateliers sur place. Et donc, en fait, il y a un accès visuel à leurs ateliers. Donc, on peut les voir travailler. Et donc, le mur, il y a un mur qui a été installé devant la plomberie qui accueille... Des artistes d'art urbain qui vont faire des créations sur le mur. Et donc l'idée, c'est vraiment par ce lieu d'y incorporer tout le processus de création, de la création d'une œuvre jusqu'à sa monstration, jusqu'à sa présentation dans un espace d'exposition. Donc c'est pour ça qu'on voit les artistes travailler. Alors on n'est pas sur le même registre parce que du coup c'est une association qui fait surtout de l'art urbain. Mais ça permet quand même de voir un petit peu tout le processus de création d'une œuvre jusqu'au moment où elle est dévoilée par une exposition. D'accord. Voilà. Donc avant de nous intéresser à la prochaine expo du coup réalisée en partenariat entre les Halles et la Lune en parachute, je vous propose de nous lancer directement dans la deuxième fréquence musicale. Là aussi c'est un choix collectif, du coup un choix commun. C'est ça. Ok, donc du coup nous allons écouter le compositeur canadien Mort Garson, dont on salue la mémoire, avec son morceau intitulé Plantasia. Toujours au niveau des quelques références, ce morceau c'est de la musique d'ambiance, c'est de la musique faite avec des instruments électroniques je crois. Voilà, c'est un morceau qui fait du bien. C'est un morceau sorti en 1976 et tiré de l'album intitulé Mother Earth Plantasia, album sorti en 1976 également. Il s'agit du dernier album de Mort Garson et pour la petite anecdote, cet album ferait pousser les plantes et il n'a été tiré qu'à très peu d'exemplaires car il était uniquement destiné à être offert et non pas véritablement commercialisé. Donc cet album s'adresse aux plantes et aux gens qui les aiment. Voilà. Donc du coup, on écoute Plantasia de Mort Garson et on se retrouve juste après, d'ici, je crois, un peu plus de 3 minutes. Oui, voilà, d'ici un peu plus de 3 minutes. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Et vous êtes de retour sur Radio Guémozo 107FM. Vous venez d'écouter Mort Garçon avec son morceau intitulé Plantasia. Plantasia, voilà. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Camille, ainsi donc de Camille de la Lune en parachute, hein, en parachute, c'est mieux, ainsi que de deux étudiants de l'ESAL, donc l'École supérieure d'art de Lorraine d'Épinal, Mona et Jérôme, voilà, qui sont là pour nous parler de la Lune en parachute en général, des projets, ainsi que de la prochaine exposition de la Lune en parachute organisée en partenariat avec l'ESAL d'Épinal, du coup. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie ? Absolument. Oui, c'est génial. Parfait. Donc, quel accueil. Bah écoute, voilà, on essaie de mettre nos invités à l'aise. Donc, du coup, même question que pour la première fréquence musicale, bien qu'à nouveau que ce soit un choix collectif, pourquoi ce morceau de Mort Garçon ? Donc, du coup, c'est parce que donc, c'est une musique qui fait pousser les plantes. Mm-hmm. Et les plantes et les fleurs, c'est un sujet assez récurrent et commun dans notre promo de troisième année à l'ESAL. Donc, on est tous assez fans, que ce soit visuellement ou poétiquement, du symbole de la fleur. Et par exemple, il y a beaucoup de gens qui traitent ce symbole dans la prochaine exposition à la Lune en parachute. Et j'ai l'impression qu'on est tous aussi assez sensibles aux questions environnementales. Donc, je pense qu'il y a une certaine part de nous qui essaye un peu de renouveler ce lien avec la nature qu'on a un peu oublié sous le béton, à travers, du coup, justement, dessiner visuellement des fleurs, des plantes et un peu de nature et de verdure. C'est ça, parce que surtout que, du coup, non seulement les plantes, la verdure, ça rajoute un joli côté, mais en plus, c'est bon pour l'air, avec même les arbres, tout ça, ça renouvelle l'air. Je ne sais plus trop comment les arbres fonctionnent, mais je sais que c'est bon pour la nature. Voilà. Donc, du coup, maintenant, je vais me tourner, du coup, vers vous, Mona et Jérôme, et on va parler du coup de la prochaine exposition à la Lune en parachute. Du coup, comment s'est passée du coup la prise de contact entre l'ESAL et la Lune en parachute ? Tu veux y aller ? Eh bien, initialement, les deux premières années de l'ESAL, ça reste le projet un peu lointain qui nous fait tous envie. D'accord. Parce que quand on arrive en première année, il nous est donné en février, du coup, janvier-février, de voir l'expo des troisième année, donc des grands, des maîtres qui sont meilleurs que nous. D'accord. Et donc là, c'était plutôt satisfaisant d'être du côté coulisses de l'exposition. Et du coup, on nous prévient du grand thème de l'exposition plusieurs mois avant son commencement, histoire qu'on ait chacun, chaque étudiant, le temps de nourrir son propos, le fond du projet qu'on a envie de défendre, la manière de le mener, le support qu'on va choisir, etc. Et en octobre à peu près, les premières prises de contact avec la Lune en parachute qui nous briefent justement en tant que professionnels sur les mesures à penser pour une exposition, la manière de concevoir son œuvre, sa proposition, etc. Et du coup, voilà, à peu près tout. D'accord. Oui, je voulais rajouter que du coup, en plus du travail artistique que nous on fournit en tant qu'étudiants à l'ESAL, donc des œuvres qui vont être exposées, on participe vraiment activement à l'élaboration de l'exposition, c'est-à-dire que en fait, on les élèves ont beaucoup d'autonomie sur la préparation de l'exposition. On divise la promo en plusieurs pôles, pôle communication, pôle scénographie, pôle matériel, et on doit tout organiser de A à Z. Donc voilà, c'est vraiment une expérience professionnelle très enrichissante. D'accord. En fait, si oui, je peux rajouter, c'est vrai que c'est une exposition qui est importante pour nous parce qu'elle diffère complètement de nos expositions habituelles. En fait, habituellement, à la Lune en parachute, on invite des artistes qui viennent faire leur exposition. Et en fait, ce partenariat entre la Lune en parachute et l'ESAL, c'est un partenariat de très longue date. Ça fait longtemps qu'on organise leur exposition. Et c'est vraiment l'exposition des diplômés de l'année. Et en fait, c'est un projet pédagogique. Donc nous, on est en partenariat avec l'ESAL. On a développé ça au fur et à mesure du temps. Et en fait, les étudiants participent pas seulement, c'est eux les créateurs de leur exposition. C'est vraiment un projet qui vise à leur donner une expérience professionnelle pour qu'ils puissent complètement voir de bout en bout comment on crée une exposition. Et donc, après qu'ils aient développé leur projet de leurs œuvres, c'est eux qui vont tout organiser, de la mise en espace à la communication. C'est aussi pour ça que j'avais envie de les inviter aujourd'hui et que c'était important aussi pour moi, pour nous, pour l'association, de valoriser ce partenariat parce que c'est vraiment un gros projet qu'on fait chaque année. Oui, ils vont gérer complètement leur communication, tous les pans et les travers de l'exposition. Et en fait, nous, en tant que professionnels, on est là pour les accompagner tout au long du développement, mais c'est vraiment eux qui façonnent leur exposition comme ils veulent, quoi. D'accord, donc du coup, de ce que je comprends, c'est que c'est gratifiant des deux côtés, du côté de la Lune en parachute et du côté de l'ESAL. Bah, c'est vrai que nous, en tant que structure, on a pour mission... En tant que structure publique, d'utilité publique, de contribuer à la formation. Donc, c'est aussi à travers ce projet qu'on le fait. Et puis, pour les élèves, je pense que c'est une bonne première approche du monde professionnel dans lequel ils vont être plongés dès le mois de juillet. C'est ça. Dans les couloirs de l'ESAL règne une pression justifiée. D'accord. Que les élèves ont tous envie de bien faire et de justement. Pouvoir présenter quelque chose au niveau et qui fait honneur à la Lune. D'accord. Et donc justement, en tant qu'apprenti artiste, on va dire tous les deux, est-ce que du coup vous partagez cette vision des choses qui dit que l'art, avec un grand A, permet de voir et d'étudier différents points de vue de différents artistes ? Tu veux y aller ? Oui, alors oui, moi je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que là, du coup, l'exposition, le titre, c'est Entretemps. Et en fait, donc ça fait depuis octobre qu'on travaille dessus. Et de base, le thème qui nous avait été donné, c'était Résonance des temps. Donc tous les élèves se sont appropriés ce thème et ont vraiment produit des choses tout à fait différentes. Et c'est très visible dans l'exposition. Et c'est vraiment très, très étonnant de voir à quel point les mêmes mots résonnent d'une manière totalement différente chez les gens. Surtout la création des œuvres au final, parce que dans l'exposition, il y a vraiment des œuvres très, très variées. Il y a de l'installation, de la vidéo, de la céramique, de la gravure, de l'impression. De la photo, de l'animation, de la risographie, des projections, de la peinture. C'est vraiment une diversité assez folle. Ouais. D'accord. Et donc, du coup, pour donner certaines dates, donc aujourd'hui, nous sommes le 27 janvier. Et donc, le vernissage, il a lieu demain, donc le 28. C'est ça. Il a lieu le 28 à 19h. Voilà, ça se passe à l'ESAL ou à la Lune en parachute, du coup ? Alors, ça se passe à la Lune en parachute parce que, du coup, leur exposition est à la Lune en parachute, pour qu'on ait un espace d'exposition. Et donc, en fait, c'est vraiment le moment où on ouvre les portes et on invite tout le monde à fêter ce grand moment avec nous. Donc, bien sûr, ce sera suivant les règles sanitaires. On est soumis aux mêmes règles. Donc, on essaye de faire la fête comme on peut dans ce cadre-là. Parce que c'est vrai que Sans règles sanitaires, on a un accueil plus chaleureux où on boit un coup. Donc malheureusement, on ne pourra pas le faire de manière traditionnelle. Mais voilà, l'idée, c'est d'ouvrir les portes et d'inviter tout le monde à venir fêter cette nouvelle exposition. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le vernissage. D'accord, oui. Et c'est aussi à ce moment-là où du coup, il y a vraiment tous les élèves présents pour parler de leurs œuvres, parce que après, du coup, nous, en tant qu'élèves, on garde l'exposition pendant les 10 premiers jours. Donc voilà, on sera là en intermittence pour garder l'exposition. Donc on pourra un petit peu parler des œuvres pendant le temps où l'exposition sera gardée. Mais le vernissage, c'est vraiment là où il y a vraiment tous les élèves pour parler de leur projet. Donc voilà, c'est très intéressant, je pense. Bien sûr, d'avoir du coup les... Peut-être d'expliquer du coup ce que vous vouliez à travers votre œuvre, ce que vous vouliez dire, ce que vous vouliez... J'ai plus le mot. Ce que vous vouliez partager du coup à travers votre œuvre. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est parfois difficile de trouver les mots justes, surtout face à un public, mais on sera tous là, ouais, pour essayer de défendre nos projets et de les promouvoir, finalement, de les rendre attirants. Bien sûr. Et donc, du coup, d'un point de vue artiste, est-ce que, selon vous, on peut dénoncer, entre gros guillemets, parce que peut-être que le mot est un peu fort, certaines choses à travers l'art ? Et si oui, pourquoi et comment ? Personnellement, je pense que au-delà de la facette esthétique et élitiste un petit peu de l'art, il y a une énorme majorité d'artistes qui se servent de l'art avec un grand A pour justement dénoncer des problèmes de société, l'urgence climatique qui arrive, la pagaille politique qui grandit d'année en année. Donc c'est sûr qu'en tant qu'élève, on constate tout ça et on essaye de se tenir au courant. Mais je pense que, autant pour moi personnellement que pour beaucoup d'élèves dans la promotion, Ça fera partie d'une de nos motivations, c'est sûr. Je pense que ça dépend aussi du type de travail des élèves de l'école, parce qu'il y a différents artistes et différentes approches. Moi, personnellement, je tiens à ce que mes œuvres soient toujours très engagées parce que, bah, parce que j'ai besoin de sentir un peu une utilité à travers mon art. Et du coup, moi, mes œuvres sont très... voilà, moi, vraiment, c'est ce que je fais. J'essaie un peu de dénoncer voilà, les choses autour de moi. Et au-delà de ça, je pense que c'est très important parce que... Enfin, je pense que les artistes ont un peu un statut privilégié de pouvoir réfléchir voilà, à la société et aux enjeux, etc. Et bah, le fait de pouvoir les partager, les exprimer d'une manière différente que bah, les infos qu'on entend à la radio, oui. Pour moi, c'est quelque chose de, voilà, de, d'autre. Mmh. Et donc, du coup, est-ce que, selon vous, même selon toi, Camille, est-ce que l'art peut servir d'exutoire également? Ah. Bah du coup donc cette exposition enfin ça c'est encore en lien avec cette exposition puisque elle vient du coup après la période de Covid et la période de confinement etc. Mm-hmm. Et c'est vrai que du coup donc le fait de pouvoir travailler sur notre rapport au temps à travers cette exposition parce que voilà on parle beaucoup de dans cette exposition du passé du futur du présent il y a vraiment un rapport au temps particulier et je pense que le fait de pouvoir le travailler à travers notre création, ça permet de reprendre un peu le contrôle sur ce temps qui a l'air d'être un peu dilué avec cette période de Covid et bah, aussi possiblement de pouvoir s'évader à travers cette création. D'accord. En fait, c'est vrai que pour en revenir aussi à la question précédente, les artistes, ils s'expriment sur le monde qui les entoure. Donc on peut avoir un engagement plus ou moins intense. Mais on va toujours parler des choses qui nous entourent. Donc c'est vrai que la société aujourd'hui soulève énormément de questionnements. Et je pense qu'on ne peut pas se désolidariser de tout ça. Donc forcément, ça revient dans le travail. En fait, un artiste n'amène jamais de réponse. Il soulève des questions. Et c'est aux visiteurs de réfléchir à la réponse qu'il pourrait amener sur ces questions sociétales. Donc c'est pas moralisateur, ça c'est très important je pense de le dire, parce que le mot dénoncer peut induire une sorte de morale, et l'art il est pas moral, l'art on peut sentir un positionnement de l'artiste, mais il est pas là pour dire attention, le réchauffement climatique c'est vraiment l'idée de dire bon bah voilà il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant. C'est un peu, et c'est des questions qui reviennent de manière récurrente à notre époque actuelle, donc il y a aussi une forme d'exutoire forcément parce qu'on exprime aussi nos inquiétudes face à toutes ces questions. Donc je pense que l'art c'est un peu tout ça. Ça, il est très représentatif de l'époque dans laquelle il a été créé. Et c'est pour ça que ça peut faire peur de s'approcher de l'art contemporain, mais on retrouve des questionnements qu'on se pose des inquiétudes qu'on se pose tous les jours en tant qu'être vivant sur cette terre. Et les médiateurs, ils sont là pour faire en sorte qu'on comprenne les œuvres, justement, et que ça ne fasse pas peur, et pour ouvrir le débat et pour le partager. Donc les lieux d'art, de manière générale, avec un grand A, ils sont là pour créer du lien, pour réfléchir ensemble, pardon, pour discuter. Et c'est vraiment le but. Donc quand on fait des visites guidées ou ce genre de choses, l'idée, c'est qu'on est tous là et on discute des sujets que l'artiste traite, en fait. Mmh. D'accord, oui. Je trouve que ce qui est assez visible aussi justement dans notre exposition, c'est que donc les personnes qui sont engagées et qui dénoncent, elles dénoncent pas, enfin voilà quoi, entre guillemets, à partir de rien. Souvent, on dénonce à travers des choses qui se sont passées dans notre expérience, dans l'intime, etc. Donc on part de notre expérience et de ce qu'on ressent par rapport à la situation et par rapport à l'état de la société. Pour dénoncer, mais c'est vraiment ouais, un constat sur quelque chose qui nous est arrivé et qui, à travers ce constat, va exprimer quelque chose de cette société, en fait. En fait, on ne peut pas dissocier l'œuvre de l'artiste, parce qu'en fait, une œuvre, ce n'est pas une vérité universelle, c'est vraiment l'expression du point de vue de l'artiste sur la société dans laquelle on se trouve. Donc en fait, on découvre à travers le regard de l'artiste la manière qu'il a de se questionner sur le monde qui l'entoure. Mmh. Et donc justement, vu que du coup avec les Alpes, vous êtes en partenariat du coup avec la Lune en parachute pour l'expo, pour le vernissage qui commence demain. Et donc du coup, est-ce que vous aviez la totale liberté de vos œuvres pour exposer du coup à la Lune en parachute, ou est-ce que vous aviez quand même quelques consignes, quelques restrictions, on va dire? En globalité, pour la plupart, on a été vraiment très libre du début à la fin du projet, D'accord. c'est-à-dire de s'orienter vers la thématique de notre choix. Et à partir de là, les enseignants nous ont plus accompagnés individuellement pour nous pousser à ce que ce soit le plus compréhensible, le plus attractif possible. Mais pour revenir à la grande diversité des œuvres, elle vient aussi de là. Donc, en exemple, on a eu des thématiques aussi diverses que les cauchemars, l'abandon, l'espace-temps en général, le moment du repas, les tapages nocturnes, les fossiles, la relation père-fils, les rêves. Donc, vraiment, chacun peut s'approprier la thématique de son choix. Et voilà. Je trouve que ce qui est chouette aussi à l'école par rapport à l'exposition, là, c'est que l'école essaye de nous donner vraiment tous les moyens possibles, enfin matériellement et voilà, humainement, pour qu'on puisse réaliser vraiment ce qu'on avait en tête au niveau de l'œuvre. Donc on est vraiment assez libre et en plus de ça, on est vraiment aidé et soutenu voilà, très concrètement. Et une autre force de l'ESAL, c'est du coup celle de nous garder 3 ans. Donc, comme c'est une petite école, entre guillemets, avec une centaine d'élèves, on noue une proximité avec les enseignants qui est peut-être plus poussée que dans d'autres écoles, qui fait qu'au bout de 3 ans pour préparer ce genre de projet, bah, les enseignants nous connaissent et peuvent nous pousser dans ce qu'on sait faire. Ils peuvent nous faire questionner nos pratiques, en tout cas nous connaissent bien. Et du coup, ça va que servir le propos de l'expo et les œuvres en général. D'accord. Et donc, du coup, vos œuvres respectives, donc, du coup, à vous deux, Mona et Jérôme, quel est le sujet, enfin, si vous voulez en parler, hein, quel est ou quels sont le sujet ou les sujets traités? Alors, moi, du coup, résonance des temps. Donc, ce sujet, ça m'a fait penser à donc, mon père qui avait 20 ans dans les années 70 et qui a vraiment vécu pleinement la contre-culture du mouvement hippie. Et en fait, quand j'étais petite, il me racontait beaucoup d'histoires de cette époque-là. Et moi, c'est des histoires qui m'ont beaucoup marquée. Et à travers ces histoires, il m'a transmis des valeurs de cette contre-culture, donc de paix, de partage, de solidarité, de respect de la nature. Et en fait, moi, je suis d'abord partie sur un format vidéo. Et ce que j'essaye d'illustrer, c'est que pour moi, les années 70 et cette contre-culture ont semé des graines dans mon esprit, mais aussi dans l'esprit d'autres personnes, comme les militants des mouvements alternatifs écologiques aujourd'hui, dont je me sens assez proche, et qui, ces graines qui commencent à germer en alternatives concrètes aujourd'hui. Et donc, c'est ce que j'essaye d'illustrer à travers ma vidéo. Et donc, le fin mot de ce projet, c'est de dire que raconter des histoires, ça peut changer les sociétés. Et donc, au départ, je pars d'une vidéo et en fait, comment on dit, je reprends la manière dont je traite ce sujet à travers aussi la céramique et la risographie, qui est une technique d'impression. D'accord. Et du coup, Jérôme, ton œuvre? Et pour ma part, je me suis approprié la résonance des temps avec la notion de multivers. C'est-à-dire que le fait qu'un acte entraîne une conséquence et qu'un détail aurait pu tout changer. Donc, sur ce principe, j'ai exploré des formats de vidéos en faisant cohabiter, si on veut, plusieurs espaces-temps. J'espère que ce sera imaginable, voilà, avec simplement des mots. Mais du coup, j'ai créé une installation où, avec beaucoup de miroirs et un soutien vidéo. Et du coup, la vidéo se diffuse et se répond dans les miroirs. Et le cœur de la vidéo, c'est une personne qui se cherche elle-même sans vraiment de fin, sans vraiment se trouver. Et du coup, ça va former une forme exactement, un peu intrigante, inviter le spectateur à circuler un peu autour de tout ça. Et voilà, une image un peu perturbante et captivante. Peut-être, Oui. désolé. Non, pas de souci. Jérôme, tu pourrais expliquer ce qu'est une installation parce que je suis pas sûre que tout le monde sait ce que c'est. C'est vrai. Moi, personnellement, ce que j'entends en installation, en exposition, on peut faire face à des tableaux donc qui sont bien présentés au mur, on peut faire face à des sculptures qui sont sur un socle. Et ce que j'entends par installation, c'est peut-être une œuvre plus imaginée en volume, donc qui se diffuse un peu plus dans l'espace et qui invite la plupart du temps le spectateur à soit rentrer en interaction avec l'œuvre en question, soit vraiment à circuler dedans, autour, ou en tout cas, il y a une notion d'espace très importante. D'accord. Donc, ça peut être exploité de plein de manières différentes. Je sais que dans l'exposition, il y aura une élève qui fera une performance avec une forteresse de sucre, où les différents spectateurs seront amenés à interagir avec elle. Mais du coup, voilà, une installation, ça occupe son espace. D'accord, ça a l'air très, très intéressant à voir. Donc du coup, on va un petit peu dépasser, mais c'est pas bien grave. Du coup, je vous propose de nous lancer directement dans la troisième et dernière fréquence musicale que vous avez choisie à nouveau, collectivement, je suppose, encore une fois. Oui. Voilà. Et que nous écoutions un autre compositeur, René Aubry, qui est d'ailleurs né pas loin de la radio, à Remiremont, donc il est né à 5 minutes d'ici, à peu près. Et donc voilà, avec son morceau intitulé Salento, ou Salento, je sais pas comment ça se prononce. À nouveau, au niveau des quelques références, c'est un morceau sorti en 1998 et tiré de l'album Plaisir d'amour, album sorti le vendredi 9 octobre 1998. Il s'agit du 11e album du compositeur. Et d'ailleurs, sur cet album, on retrouve également l'artiste Mel Eka. Voilà, donc on écoute Salento de René Aubry et on se retrouve juste après pour la suite et déjà la fin de cette émission, mais quand même cette musique dure pas loin de 6 minutes, mais voilà, c'est une jolie musique assez douce, donc je vous propose d'écouter ce morceau et on se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette émission, donc à tout de suite, sur Radio Gemozo. Thank you. Et vous êtes de retour sur Radio Guémozo 107FM. Vous nous écoutez du coup sur le 107FM localement ou sur notre application Orange Radio, Radio Line, etc. Et sur notre site internet partout en France et peut-être même dans les pays frontaliers, car je sais qu'on nous écoute en Belgique, en Allemagne, en Suisse et également au Québec, malgré le décalage horaire, grâce à cette application et à notre site internet. Du coup, c'était Salento du coup de René Aubry. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Camille, donc de la Lune en parachute, ainsi que de deux étudiants de l'ESAL, l'École supérieure d'art de Lorraine d'Épinal, Mona et Jérôme, voilà, qui sont là pour nous parler de la Lune en parachute, des projets, ainsi que de la prochaine exposition. Voilà. Tout va toujours bien ? Ça va toujours. Oui, ça roule. Waouh ! Ah, donc nous sommes à un peu plus d'une heure d'émission, presque 1h10, mais c'est pas grave, on est bien ici, on n'a pas envie de s'arrêter. Voilà. Donc même question que pour les deux précédentes fréquences musicales, j'ai décidé de ne pas être original. Pourquoi ce morceau ? Donc ce morceau a été proposé par une personne de notre classe, et ça lui parlait à elle personnellement. Donc je lui ai un peu posé la question de pourquoi cette musique, et elle m'a dit qu'il y avait un rapport autant dans cette musique qu'elle trouvait intéressant à travers le rythme, à travers le tempo. De toute façon, en général, la musique a un rapport au temps un peu privilégié et justement joue avec le temps dans sa création artistique. Donc ça, c'est, voilà, c'est intéressant. Après, au-delà de ça, la personne qui nous l'a proposé disait que pour elle, ça crée une espèce de bulle temporelle un peu particulière. Moi, quand je l'ai écouté personnellement, ça me crée aussi, ça m'invitait un petit peu à ralentir, à être conscient de ce que j'écoutais, et ça peut aussi créer des Madeleines de Proust, puisqu'il y a une autre personne de notre classe qui nous a dit que elle, ça l'a ramené dans son enfance parce que ses parents écoutaient cette musique. Donc voilà, le rapport au temps démontré à travers cette musique. Et oui, une Madeleine de Proust, justement, c'est une expression du coup assez connue. Peut-être que certaines personnes ne savent pas ce que ça signifie. C'est justement quelque chose qui nous rappelle notre enfance, que ce soit une musique, une odeur, voilà, un livre, une histoire, bref. Une Madeleine. Une Madeleine aussi, voilà, la Madeleine de Proust, tout à fait. Et donc, du coup, comme annoncé avant cette pause musicale, nous arrivons malheureusement déjà à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas encore abordé, mais qui mériterait absolument d'être abordé ? Ou est-ce qu'on a fait le tour ? Moi, je crois que ce que j'aimerais ajouter, c'est que, pour le vernissage, il y aura tous les élèves présents donc, pour parler des œuvres. Donc, s'il y a des gens qui sont voilà, intéressés de parler avec des étudiants en école d'art, pour voir comment est-ce qu'ils ont conçu leur œuvre, comment est-ce qu'ils ont réfléchi à tout ça. Et donc, on sera aussi présent. Donc, pendant 10 jours, on garde la Lune en parachute. Donc, on sera aussi présent pour parler de nos œuvres à ce moment-là. Et il y aura aussi un stand de vente de nos productions pour un peu montrer aussi notre univers artistique au-delà de nos œuvres qui sont présentées dans l'exposition. Donc, voilà. D'accord. Non, mais tu as bien fait de le rajouter. Donc du coup, le vernissage, il a lieu demain, du coup, à la Lune en parachute. On peut peut-être rappeler l'adresse ? Ouais, on va rappeler l'adresse. Et puis aussi, je me dis que ce serait bien de donner les dates d'exposition, parce qu'on a bien sûr complètement oublié les données. C'est vrai. Donc, on vous invite à venir à la Plomberie, donc dans la partie destinée à la Lune en parachute, au 46B rue Saint-Michel, 88 000 Épinal. Donc le vernissage, c'est demain, le 28 janvier à 19h. Et l'exposition, elle, sera visible du 29 janvier au 13 février, donc du mercredi au vendredi de 13h à 18h et le samedi dimanche de 14h à 18h. Voilà, toujours du coup à la Plomberie. Toujours à la Plomberie, l'exposition ne bouge pas. C'est mieux parce que j'imagine que ça doit représenter de l'installation quand même. Ouais. Ouais. Et donc du coup, on n'en a malheureusement pas parlé, mais on est bien obligé de passer par là. Entrée payante, je suppose, entrée gratuite ? Entrée gratuite ? On est un organisme qui est subventionné, donc on est gratuit, donc toutes nos entrées sont gratuites. D'accord. Et autre information, peut-être moins cool, passe sanitaire, port du masque ? Malheureusement, ouais. On est soumis donc au pass sanitaire pour le moment. On ne sait pas si d'ici peu, on risque d'être soumis au pass vaccinal. Ouais. Et donc port du masque et utilisation de gel hydroalcoolique à l'entrée. Voilà. Voilà, donc passe sanitaire et ou passe vaccinal, ou je sais pas, même les tests PCR, les résultats, je sais même pas s'ils sont encore valables à ce moment-là. Pour le moment, le passe sanitaire, ça peut être aussi un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures, il me semble, ouais. Et petite information, c'est vrai qu'on oublie des fois de le signaler, on a un accès handicapé. Et ça, c'est important de le signaler, en effet. Donc, du coup, si nous voulons vous suivre l'actualité de la Lune en parachute ou de l'ESSAL d'Épinal, parce qu'il y a aussi une ESSAL à Metz, il y a des ESSAL un peu partout en France, comment est-ce qu'on peut faire pour suivre l'avancée de tout ça? Alors, pour la Lune en parachute, on communique à la fois sur notre site internet, lalunenparachute.com. Mmh. On a aussi un Facebook et un Instagram sur lesquels vous pouvez suivre nos actualités. Vous pouvez également nous demander par mail d'être dans notre boucle mail. Et puis après, pour les salles, je vous laisse mettre cette communication. Nous, c'est pareil. On a un Facebook et un Instagram de l'ESSAL. Donc, voilà. Donc, l'école poste des choses régulièrement sur l'Instagram de l'ESSAL. Et en ce qui concerne l'exposition actuelle à la Lune en parachute, il y a aussi pas mal de choses qui sont postées sur le compte Instagram de la Lune en parachute en rapport avec cette exposition ces temps-ci. D'accord. Donc, voilà. Tout à fait. En fait, donc dans le cadre de ce projet pédagogique, c'est les étudiants qui sont maîtres de nos réseaux sociaux. Donc c'est eux qui communiquent régulièrement à la fois sur notre Facebook et notre Instagram toutes les informations et qui publient un peu aussi le background, tout ce qui se passe en arrière de l'exposition. Le quoi. Background. Exactement. Waouh. Est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on se quitte? Merci de nous avoir invités. Oui. Avec merci plaisir. Beaucoup. Peut-être une dernière annonce un peu frontale, mais au-delà des mesures sanitaires qui peuvent freiner à sortir de chez nous, ça reste une expo très chouette, donc très, très diverse, avec plein d'élèves très contents d'être là, mm-hmm. Très, très bien encadrés. Le lieu est vraiment très chouette, donc même s'il n'y aura pas de consommation comme on l'attend d'un vernissage, même pendant et après, voilà, on vous attend avec impatience. Voilà, avec plein de jolies œuvres à voir, à visiter et poser des questions du coup aux étudiants, aux artistes qui seront présents lors de cet événement. Je mettrai toutes les informations utiles en podcast de cette émission, donc les liens, page Facebook, Insta, etc. pour vous retrouver facilement. Et puis voilà, du coup. Donc c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. On a tenu une heure, près d'une heure et quart. Bon. Il n'y a rien après, avant 16h, donc voilà, on en a profité. Voilà, on a un petit peu profité, on a triché. Voilà, donc je vous remercie, cette fois c'est à mon tour de vous remercier, donc Camille, Mona et Jérôme d'avoir accepté mon invitation du coup. Merci à toi. Oui, merci. Cette émission sera rediffusée demain à 18h avec le podcast de cette émission posté sur notre page Facebook et sur notre site internet. Et si tu veux Camille, je pourrais même te l'envoyer par mail si tu veux la récupérer, la partager. Avec grand etc. plaisir. Voilà. Concernant la suite, retrouvez Gilou et les années bonheur d'ici une petite heure à 15h. Quant à nous, on se retrouve demain à 14h pour une nouvelle édition de Fréquence Libre. Voilà, donc merci de votre fidélité du coup à Radio Gémozo et je vous dis à demain. Donc salut et à demain.